Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à Terra Incognita. Oups, attendez-moi une seconde. Oui, merci. Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita. Merci Bruno. Et comme vous l'avez deviné, c'est Michel et Bruno ce soir jusqu'à minuit pour votre rendez-vous hebdomadaire de rock progressif. Plein de bonnes choses ce soir comme d'habitude. Et on commence avec une nouveauté, un groupe qui... Je pense que quand on peut dire qu'il y a eu une certaine popularité dans les années 70, un groupe britannique installé en Allemagne et qui avait pour nom, et qui a encore pour nom, quoique maintenant la plupart sont américains, Nectar, un nouvel album qui a pour titre The Other Side. On écoute un premier extrait de cet album. Installez-vous confortablement, 2 heures de bon rock progressif avec Michel et Bruno. Bye. across the sky. Did my longing taunt you, or did it help you fly? I shot a man that day, but it didn't make me hate him. It laughed right in my face, and the mirror laughed right back. Did you pull that trigger? Which song were they playing? Can you still remember? Where were you that day? Ready for the rush. Now is all there is. Take it all the way.

Et puis, ben, en ouverture, on va avoir 35 Tapes, un groupe norvégien qui va ouvrir. Un seul album, mais tout un album. Le samedi, on a Sintonia Distorta. Et, oh, ben, c'est vrai, il y a Is Project, le duo, en duo, qui va ouvrir un concert acoustique de 20 minutes pour le samedi et le dimanche. Et puis, ben, là, j'en reviens au samedi. Après, on a Professeur Tip Top et Yannick Dutton. Et le dimanche, Is Project, et puis Ed with Wings de la Nouvelle-Angleterre. Là, je vais essayer de le dire d'un trait. Quel que dice il tuono? Le nouveau groupe de la guitariste Francesca Zanetta, anciennement de Unreal City. L'album s'en vient au mois de mars, mais on va avoir par là même une petite idée en février, et c'est sûr que vous allez l'entendre sur les ondes de CKRL. Et on finit avec inespéré, La Maschera di Cera, retour de ce groupe légendaire italien avec Fabio Souventi. Je pense pas qu'on va avoir l'occasion d'y revoir souvent comme ça. Donc, ça sera les 15, 16 et 17 mai 2020, évidemment, cette année. Festival Terra Incognita, 16e édition. Les billets en vente, évidemment, depuis quelques mois. On poursuit. Ah ben là, c'est ça, j'ai juste parlé de Professeur Tip Top. Juste avant, il y avait Blind Ego, nouveau projet. Ben, c'est le projet solo de Carl Wallner de RPVL. Tout nouvel album qui va paraître d'ici quelques semaines, Preaching to the Core. Et ça nous vient de Biélorussie, de Warm Ouroboros. Tout un groupe, deux albums seulement, mais deux albums impeccables. Celui-ci, ben, il est tout récent, il vient de sortir, c'est Endless Way from You. Et on avait donné le coup d'envoi avec Nectar, formation britannique à l'origine, qui ont émigré, le groupe a émigré en Allemagne dans les années 70, et on les retrouve maintenant, ils vivent la plupart aux États-Unis. Donc, Nectar de The Other Side, c'est avec ça qu'on a commencé. Et on va faire un petit tour du côté de l'Italie, un groupe qu'on a déjà présenté il y a peut-être quelques semaines, Falena, mais c'est pas le plus récent, c'est leur second album, qui n'est pas facile à trouver, L'Idiota. Donc, on écoute un extrait de ce second album, pour ainsi dire, introuvable maintenant. Oh, man.

CKRL 89.1. À Québec, février rime avec moi, Multi. Cette année, les festivités ne durent que 5 jours. Au programme, performances engagées, musique électronique avant-gardiste et nuit endiablée. Tu ne veux pas manquer ça. Achète ton passeport pour l'ensemble du festival. Prépare-toi, Québec. Prépare-toi, Québec. Le mois Multi, c'est du 5 au 9 février. Moimulti.org. Le Bal du Lézard vous présente une série de 3 concerts jazz, 3 soirées gratuites et colorées. Le jeudi 30 janvier, le Quatuor Onyx, où se mélangent le vibraphone, le saxophone et la flûte, dans des compos originales et inspirées. Jeudi 20 février, une soirée de jazz manouche avec Manouche Caribou, un quatuor composé de 2 guitares, contrebasse et sax soprano. Jeudi le 5 mars, de Montréal, le groupe Tertio va satisfaire les amateurs de jazz moderne avec des compositions jazz rock. 3 rendez-vous à ne pas manquer. Programmation sur lebaldulézard.com. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Édition Continuité, Spira, Épilepsie Section de Québec, Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec, La Boussole. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Et on est de retour. On a un invité, mais avant de vous le présenter, je vais juste donner une petite idée là, de ce qu'il a joué, pour, juste pour guider tout le monde. On a conclu le bloc. Et monsieur, non, je Philippe, non. Je ne joue pas avec ça. Non, c'est pas le bon. OK, c'est bon. Excusez-moi, là, c'est parce que là, j'étais à deux doigts du retour de son. C'est pas de bonne couleur. C'est parce que Philippe jouait avec le volume des écouteurs. Donc, vous savez que c'est Philippe, mais vous ne savez pas encore qui est Philippe, qui est à côté de moi. Donc, on avait conclu avec une longue pièce instrumentale de Worm Ouroboros, du plus récent et second album, Endless Way From You. Moi, c'est un groupe qui m'épate beaucoup, des Biélorusses, qui, bon, visiblement, ont toutes fait leur conservatoire. Ça, comme c'est le cas souvent dans le cas des... Bon, on retrouve des groupes russes, des groupes biélorusses, ukrainiens. Et ça sort tout de l'école et ça se sent, là. Et lui, en tout cas, ce groupe-là, ça se sent... Toi, Philippe, es-tu d'accord? Je trouve que ça s'entend aussi. Oui, là, les licks, qu'on appelle, sont impressionnantes et bien, bien droites. Avant ça, on avait Seven Planets. Ça, c'était pour faire plaisir à Bruno. Petit groupe psychédélique de Virginie, américain. Seven Planets, donc de l'album Explorer, qui doit paraître, je pense, c'est le 12 février. Et on avait donné le coup d'envoi avec Falena, un groupe qui, moi en tout cas, ça m'a accroché. Ça, c'est leur deuxième album qui n'est pas trop facile à trouver, L'Idiota. Mais le plus récent, je pense, a joué quand même assez abondamment ici. Et on a déjà fait le tour. Donc, je vais vous dire que si je vous dis Leitmotiv, est-ce que ça vous dit quelque chose? Amateur de prog de Québec, oui. Philippe est avec moi, donc, qui a fait au moins 2 festivals, trois festivals, oui. 2 avec Leitmotiv, puis 1 avec Edo. Edo, c'est vrai. Et puis là, tu nous arrives avec un autre projet. Oui, en fait, depuis toujours, moi, j'ai des groupes, depuis 99, Leitmotiv. Depuis que je te connais, en tout cas, je reçois des affaires régulièrement. Oui, on peut le dire, ça fait 21 ans que... je fais de la musique prog à Québec. Il a commencé à 4 ans. C'est ça. Mais là, pour la première fois de ma vie, je pars un projet qui est mon projet solo. Puis j'ai navigué à travers la chanson un peu dans les dernières années. Là, avec Aurore. Avec l'Aurore, qui est la chanson orchestrale, mais un peu prog quand même, c'est barre, là. Mais là, je retourne aux sources. Fait que je me pars un projet, là, mon projet à moi, Philbourg. Puis, sous ce nom, Philippe Bourque, qui est mon vrai nom. Philippe Bourque, c'est mon nom, je dirais, colonisé. Philippe Bourque, c'est mon nom décolonisé. C'est le nom de mes ancêtres acadiens. Ouais, c'était pas Bourque? Non, c'était Bourque à l'époque. Puis à une certaine époque, le nom a changé de bord pour une raison qui serait un peu longue à expliquer, là. Ouais, ben des fois, c'est parce que, comme dans mon cas, Bilodeau, ça s'écrivait B-I-L-L-A-U. D-E-A-U. OK. Ah. Mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui savait écrire à travers l'âge. Non, c'est, hein, ça. C'est ça. Puis, ouais. Ben, ça, c'est comme, il y en a qui ont fait un. Oh, ben, tiens, ça s'appelle. C'est pas deux L, un L, un O. Plus simple comme ça. On va raccourcir. Oui. Non, dans le cas de Bourg, en fait, j'ai fait mes petites recherches. Puis, en fait, c'est que le Antoine Bourg était procureur du roi à l'époque, il y a très longtemps, 1648. Puis, son petit-fils a détourné de l'argent des Anglais pour financer une rébellion en Acadie. Oh, ben là, c'est pour la bonne cause. Hein? Et voilà, c'est qu'il a voulu reprendre la péninsule acadienne et à cette époque, les Bourgs ont soudainement tous changé de nom pour Bourg. Donc, on le connaît pas. C'est ça. Il y a eu un petit changement de cap, puis c'est ça. Pour mon projet solo, puisque c'est un projet qui va être très engagé, j'ai décidé de reprendre mon nom d'origine. Donc, tu présentes un concert... Le 31 janvier, Nouvelle Salle à Québec, qui est l'Ampli de Québec, qui est un organisme là, qui offre de l'aide aux artistes, qui est au-dessus du district, à côté de l'Impérial. Ben, sur Saint-Joseph. Qui a servi aussi d'endroit de formation. Aussi, oui, c'est en plein, ça sert encore pour ça. Et là, ils ont décidé d'ouvrir une petite salle de spectacle pour faire des showcases. Okay. Donc, Philbourg, ça va être un des premiers shows qu'il va avoir là. Donc, le 31 janvier. Oui, vendredi soir. Malheureusement, tu nous arrives avec aucune musique. Ben non, en fait, je voulais vraiment arriver avec un extrait. Je suis en studio en ce moment pour enregistrer mon premier album. Puis là, on a à peu près 60-70 gigs de données pas mixées. À gérer, oui. Oui, puis là, c'est un peu... Je compatis. Oui, voilà. Là, on est en train de travailler. Je reviens justement du studio. Là, on a travaillé sur l'édit. Je vous le dis en exclusivité, on a des tracks de sax là-dessus. Ça va être le fun. Bon, ben, tu reviendras nous présenter ça. Ah, absolument, ça s'en vient, je travaille là-dessus fort. Là, en ce moment. Le 31 janvier, oui. À l'Ampli. À l'Ampli, manquez pas ça, c'est ce que j'appelle du geek rock. Donc, c'est une branche du prog. Une branche du prog. Parce qu'il y a le mat rock, mais... Ouais, non, c'est pas du mat rock, c'est vraiment geek rock. Okay. C'est que ça reste du prog, mais je change pas tant de rythmique. Mais ça reste quand même des riffs mélodiques. Mais est-ce que ça se rapproche de Leitmotiv quelque part? C'est beaucoup moins Gentle Giant et Genesis que Leitmotiv. On est en mi-chemin entre Leitmotiv. C'est le côté rock en spectacle de Leitmotiv et le côté un peu déjanté de Yido. Plus des paroles en français. Bon, ben on va découvrir ça. Oui. Le 31 janvier. Et voir ça. Et puis nous, ben, on poursuit avec, cette fois-ci, on va faire un tour du côté de la Pologne avec Retrospective, un plus récent album, Latent Avidity. Where is

The sanctity of an unborn child, the mother dying by its side, forbidden love between human beings, the fear of God, man-made laws. Hell is right there, the one you trust that never came, the one you love abusing you, the silent pressure from those around, when you run your own, when you're left alone. Hell is right there. Hell is, it's all around us. It's in between us. It's what we do.

Thank you. No one to love you now. that life's so easy. You have to love me now. I'm the one to say, sky writer, writing letters in the sky. Sky writer, don't let this world pass you by. Come tomorrow is another day. Ça joue, là? OK. On y va. Bon, ben, écoute, c'est là. C'est fini. Ben, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. C'était Terrain Incognita avec Michel et Bruno. Donc, même heure, même poste la semaine prochaine. Je vous invite aussi à visiter notre page Facebook. Il y a toujours des nouvelles. Et rien d'autre chose. Sur ça, ben, restez des nôtres. Vincent est avec vous dans quelques instants pour l'autoroute. Bye.